L'association d'amitié Slovénie-Corée a publié une déclaration le 12 courant en signe de soutien à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire de la Corée qui a manifesté de nouveau sa capacité militaire inépuisable.